Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci de nous être fidèles le samedi et le dimanche sur 94.2 Radio Fadjet Nancy. Et aujourd'hui, eh bien, on va commencer l'émission avec Mozart. Alors, Sigmund Haffner, évidemment, ce nom ne serait pas passé à la postérité s'il n'avait commandé à Mozart une sérénade qui porte son nom. C'était le bourgmestre de Salzbourg à l'époque où il vivait Mozart. Et donc, il commande une sérénade et puis il en commande une deuxième parce qu'il venait d'être anobli, alors il voulait un petit peu fêter l'événement. Mais bon, finalement, il va annuler sa commande. Mais entre-temps, Mozart aura commencé la composition de cette nouvelle œuvre qu'il va du coup transformer en symphonie. C'est la symphonie numéro 35, dite Haffner, du nom de ce bourgmestre de Salzbourg. Allez, on en écoute le final avec un enregistrement qui vient de paru récemment chez Harmonia Mundi avec l'ensemble Résonance que dirige Riccardo Minasi. quelle pulsion, hein, magnifique interprétation de cette symphonie 35, Hafner de Mozart avec l'ensemble Résonance, dirigé par Riccardo Minasi, un disque paru chez Harmonia Mundi avec des airs de concert, des airs d'opéra plutôt, oui des airs d'opéra, airs de concert également, et on y retrouve sur ce disque la belle soprano Anna Prochaska. Et on continue avec Francis Poulenc, puisque, vous le savez, c'est le principe de cette émission, on passe tout le temps du coq à l'âne, enfin Mozart n'était pas un coq et Poulenc est encore moins un âne, mais quand même, voilà, donc un compositeur, Francis Poulenc, essentiel du XXe siècle, compositeur français, issu des industriels qui ont fondé Rhône Poulenc, et de cette famille, et donc à la fin de sa vie, en 1957, donc il a tout juste 58 ans, il est mort jeune, il faut le dire quand même, Francis Poulenc, il est mort à 64 ans, eh bien, il compose, alors qu'il est en résidence à Cannes, à l'Hôtel Majestic, une sonate pour flûte et piano. Et pour cette sonate, il va quand même recueillir les conseils de Jean-Pierre Rampal, l'immense flûtiste français de l'époque, qui va d'ailleurs créer l'œuvre avec beaucoup de succès, puisqu'elle fut bissée. Et cette œuvre est dédiée à une mécène américaine, Elizabeth Sprague College, qui avait vraiment commandé beaucoup d'œuvres aux compositeurs de la première moitié du XXe siècle. Et donc, Poulenc avait aussi profité en quelque sorte de ses largesses. Il lui rend hommage avec cette sonate pour flûte et piano magnifique qui figure parmi ses plus grands opus. Et ça avait été décelé dès la création par les critiques de l'époque. Voici le premier mouvement Allegro Malinconico, joué à la flûte par Philippe Bernold et au piano par Alexandre Tarot. Thank you. Une fin un peu mystérieuse hein, pour ce premier mouvement de la sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc, Allegro Malinconico, interprété par Philippe Bernold à la flûte et au piano Alexandre Tarot. On continue avec un peu de la musique de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Moi j'ai une vraie passion pour ce compositeur, d'ailleurs pour tous les fils de Bach, que je trouve vraiment passionnant. C'est une musique qui souvent, eh bien, évidemment, s'inspire quelque part un peu de la musique de leur père. Mais pour autant, ils sont vraiment dans leur époque et ils composent tel que les autres compositeurs écrivaient, donc vers la moitié du XVIIIe siècle. Donc Carl-Philippe Emmanuel Bach, né en 1714, mort en 1788, qui eut pour parrain Telemann. Et oui, parce que Bach et Telemann étaient très très amis, ils se respectaient mutuellement et Bach avait une vraie admiration pour Telemann et inversement également. On va écouter un peu d'une symphonie de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Évidemment, ce ne sont pas des symphonies aussi longues que celles de Beethoven, ni même bien sûr que celles de Bruckner. Ce sont des symphonies qui durent environ 10 à 12 minutes, en comptant tous les mouvements. Mais ce sont des symphonies qui sont particulièrement inspirées et c'est vraiment un jalon essentiel entre justement Bach le père et les compositeurs qui vont suivre après Carl-Philippe Emmanuel Bach, c'est-à-dire Haydn et Mozart. Voici le final de sa symphonie en si mineur de Carl-Philippe Emmanuel Bach, interprété par l'Académie für Alte Musik Berlin avec en premier violon Georges Calvet. Thank you. finale de la symphonie en si mineur de Carl-Philipp Emanuel Bach, interprétée par l'ensemble Académie für Alte Musik Berlin. Je vous rappelle que vous écoutez Discothèque Classique, votre magazine classique sur Radio Fadjet. On est ensemble jusqu'à midi, le samedi et le dimanche. Et on continue avec Wagner. Alors Wagner, souvent, on me demande comment il faut l'aborder. Alors moi, je crois que le plus simple, c'est de commencer par écouter les ouvertures et préludes. Ça me paraît évident, parce que c'est comme ça qu'on commence à entrer dans l'univers de Wagner. Et puis ensuite, on peut acheter des disques qui nous proposent des airs tirés des opéras, des récitals en quelque sorte, qui permet aussi d'approcher un petit peu l'esthétique wagnérienne dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire l'opéra en lui-même chanté, donc les scènes chantées. Et puis, évidemment, ensuite, quand on a franchi ces étapes, on peut évidemment acquérir un coffret d'opéra. Évidemment, ça coûte un peu cher, les coffrets d'opéra, mais enfin, bon, on peut se lancer. Alors, on va écouter un disque que je trouvais très intéressant, paru il y a quelques années, un disque avec des duos d'amour tirés de Siegfried et de Tristan et Isolde, avec la soprano Deborah Voigt et puis le célèbre ténor Placido Domingo. Un disque qui nous proposait donc des scènes d'amour, comme le précise le titre, et des extraits vraiment bien choisis, le genre d'album idéal pour entrer dans l'univers de Richard Wagner quand on a déjà écouté les ouvertures et préludes. Voici un extrait de Tristan et Isolde, l'acte 2, scène 2, la conclusion donc avec ces deux artistes, Deborah Voigt et Placido Domingo. L'orchestre du Royal Opera House de Covent Garden est dirigé par Antonio Papano. Oh! Acte 2, scène 2 de Tristan et Isolde de Richard Wagner avec les voix de Deborah Voigt, Placido Domingo et l'orchestre du Royal Opera House Covent Garden dirigé par Antonio Papano. Alors on a appris il y a quelques jours le décès de Gary Graffman, pianiste américain né en 1928 qui vient de décéder à l'âge quand même de 97 ans. Et Gary Graffman, c'est un pianiste qui avait un petit peu un parcours original par rapport aux autres pianistes de sa génération. D'abord parce que finalement, il a moins enregistré que les autres. Et en tout cas, il a été moins intéressé par l'enregistrement d'intégrales. En général, les pianistes enregistraient toutes les sonates de Beethoven, de Mozart, de Schubert. Lui, il a enregistré des disques très différents. Et il a commencé d'ailleurs à enregistrer très tôt, dès 1955 pour RCA Victor, et puis ensuite pour la Columbia. Aujourd'hui, eh bien, les catalogues de ces deux labels appartiennent au groupe Sony, ce qui est pratique, parce qu'évidemment, ça nous permet d'avoir à disposition des rééditions où il y a tout. Et en fait, comme je le disais, au total, il n'a pas tant que cela enregistré, Gary Graffman, déjà parce que il a été très tôt, atteint par une maladie de la main droite qui est très fréquente chez les pianistes, une dystonie focale qui fait qu'il a dû arrêter de donner des concerts et il s'est consacré à l'enseignement au Curtis Institute où il a eu des élèves très prestigieux. Mais voilà, donc sa discographie est restreinte pour toutes ces raisons. On peut dire que c'était vraiment quelqu'un d'assez qui n'était pas du tout dans le moule. Hein. Déjà, il jouait dans des États américains. Il refusait de jouer dans des États américains du Sud où on pratiquait encore la ségrégation dans les années 50. Et il a eu toujours beaucoup de recul par rapport au métier, par rapport à la notoriété, par rapport au vedettariat. On va retrouver Gary Graffman dans Liszt. C'est un compositeur qu'il a beaucoup joué. Le célèbre Caprice un sospiro. Caprice poétique, un sospiro de Franz Liszt, joué par Gary Graffman. Et on continue avec un petit tango. Eh oui, ça vous dit, un petit tango à cette heure-ci. On pousse les chaises, les canapés, et hop, on se met à danser. C'est un tango signé du roi du tango, Carlos Gardel. Voici Por una cabeza, joué au violon par Nicola Benedetti. Por una cabeza de Carlos Gardel, interprété au violon par Nicola Benedetti. Le Bournemouth Symphony Orchestra était dirigé par Kirill Karabits. Et on continue avec un peu de Rimsky-Korsakov, compositeur russe, bien évidemment, Rimsky-Korsakov. Et il est né en 1844, il est mort en 1908. C'est vraiment un compositeur extrêmement important parce qu'il a laissé aussi un traité d'orchestration qui intéresse toujours les étudiants en direction d'orchestre et en composition. Vraiment un maître de l'orchestre que Rimsky-Korsakov. Ses parents n'étaient pas vraiment chauds pour qu'il fasse de la musique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un milieu aristocratique qui était donc des propriétaires terriens qui vivaient à 200 km de Saint-Pétersbourg. Et lorsqu'il a voulu devenir musicien, bah, ça n'a pas trop plu. Alors on lui a dit « tu vas t'engager dans l'armée ». Il est devenu officier de marine, Rimsky-Korsakov, ce qui fait qu'il a passé beaucoup de temps sur la mer et il a visité de nombreux pays. Alors le Capriccio espagnol, eh bien, c'est peut-être le témoignage de l'un de ses voyages, une œuvre tout à fait originale qui se termine par un fandango. Et voilà, donc une œuvre très très souvent jouée autrefois, peut-être un peu moins aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on programme un peu moins les grandes œuvres symphoniques de Rimsky-Korsakov, à l'exception bien sûr de Scheherazade. Voici le fandango qui conclut Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov, l'Orchestre symphonique de Londres, et dirigé par Igor Markevitch. Thank you. Le fandango qui conclut la rhapsodie espagnole, qu'est-ce que j'allais dire, ça c'est de Ravel, le capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov avec l'Orchestre Symphonique de Londres, direction Igor Markevitch. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. Et on continue avec Jean-Sébastien Bach par Alfred Brendel, pianiste. Alors ça c'est vraiment un disque majeur que cet album Bach d'Alfred Brendel. Il n'a pas beaucoup enregistré Bach parce qu'il était un petit peu inhibé par son maître qui était Edwin Fischer, qui était vraiment l'un des grands spécialistes de Bach. Et il n'osait pas trop toucher à ce répertoire, notre Alfred Brendel. Mais quand même, en 1977, on loue un studio, enfin sa maison de disques loue un studio pour enregistrer un album liste. Tout se passe bien, le disque est bouclé en quelques jours et on a encore donc des jours de location qui sont prévus. Bon, bah, on va en profiter pour enregistrer un autre disque et c'est là que Brendel va se lancer. Il va enregistrer un disque magnifique, vraiment l'un des plus beaux disques Bach au piano depuis des dernières décennies. Et dessus figure le concerto italien, le fameux concerto italien BWV 971, inspiré bien sûr du style italien. C'est pourquoi il porte ce nom. On en écoute le premier mouvement, vraiment l'inoubliable, l'extraordinaire Alfred Brendel. Thank you. Premier mouvement du concerto italien de Jean-Sébastien Bach, interprété par Alfred Brendel, c'est absolument merveilleux. Et on continue avec du Schubert. Alors curieusement, Schubert n'a jamais composé de concerto. Il a écrit dans tous les genres, sauf le ballet, me semble-t-il, mais il n'a jamais composé de concerto. Et ce qui est assez étonnant, parce qu'il était nourri de Haydn, de Mozart, de Beethoven, bien sûr. Et pour autant, le genre concerto, il ne l'a jamais abordé, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, il a quand même laissé quelques pages concertantes. Et voici ce qui me semble être une rareté, la polonaise pour violon et orchestre donc de Schubert, interprétée par Andreas Janke au violon, l'orchestre de la Tonale de Zurich est dirigé par David Zinman. Thank you. La charmante polonaise pour violon et orchestre de Schubert, interprétée au violon par Andreas Janke, l'orchestre de la Tonale de Zurich, était dirigée par David Zinman. Et on va terminer l'émission avec Gary Graffman, que l'on a écouté tout à l'heure dans Liszt. Eh bien, on va le retrouver cette fois dans Rachmaninov, la conclusion du deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, l'œuvre la plus célèbre du compositeur, qui fut en quelque sorte, dont la composition fut en quelque sorte une thérapie, puisque Rachmaninov avait vraiment vécu une dépression après l'échec de sa première symphonie, mal dirigée, mal jouée par les musiciens et dirigée par Glazounov. Allez, on écoute la conclusion de ce deuxième concerto de Rachmaninov avec Gary Graffman donc au piano, l'Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein. Thank you. trois notes qui signe la partition, puisque ça fait Rachmaninov. Voilà, donc le deuxième concerto pour piano très célèbre de ce grand compositeur, avec Gary Graffman au piano, l'Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein. Et voilà, c'est terminé. Donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine de 11h à midi pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Je vous souhaite une excellente semaine et puis tout d'abord un excellent dimanche. Et je vous dis à très très bientôt, j'espère.